Vint les dernières fleurs de l'année. L'aube, qu'une gelée blanche rendait plus hâtive et plus claire, m'offrait déjà tous les objets distincts quand je rentrais dans la ville. Je pouvais regagner ma rue sans qu'une âme me rencontrât. Mais un chagrin rôdeur m'en vint parcourir plus de 20 pour m'essayer à traîner l'existence qui m'attendait, vide de Marianne. Marianne, beauté radieuse et transparente, si bien harmoniée avec l'ardente contemplation de mes yeux et la lumière qui ruisselait autour d'elle, dans ce frais jardin où l'air dansait, où je dansais moi-même, par une de mes joies désespérées, sans avenir, saisie au vol, comme un papillon qui vous laisse un bout d'aile entre les doigts, et qui fuit pour ne reparaître jamais. Et ce qu'il y a d'adorable et d'affreux, c'est qu'on le sait bien. C'est qu'on ne laisse aller le papillon que dans l'effroi de rompre ou de profaner ses brillantes ailes. Cette poussière de velours qu'il a prise au ciel, je faisais, je crois, ces réflexions appuyé sur le garde-fou de la fontaine Saint-Mauran, où je regardais flotter mon ombre, comme un confident silencieux et pâle. L'idée me vint un moment que je pouvais me réunir à cette ombre, qui n'était pas plus loin de moi qu'à repos éternel. J'en demande encore pardon à ma mère. Ce fut elle peut-être qui étendit son mantelet noir sur la surface attirante. Je le crus du moins, car je me donnais un grand coup de poing dans la poitrine, et je m'éloignais de cet attrayant précipice, en me dévouant au jour qui m'était encore compté. 7 heures sonnaient quand je rentrais dans la rue des Chapelets. Madame Élie était sur sa porte, causant tranquillement avec la laitière, qui, malgré la gelée blanche, apportait encore un reste de fleurs pour mademoiselle Marianne. Madame Élie, tenant d'une main ses fleurs et de l'autre son lait, demeura surprise à mon aspect. Elle crut que je m'étais dérangé pour la première fois depuis mon séjour dans sa maison. Elle me fit entrer avec une sorte d'autorité, comme un enfant que l'on retrouve et que l'on chasse devant soi. L'idée des verrous qu'elle avait trouvés ouverts lui revint peut-être à l'esprit, car elle ne put se retenir de me dire avec un peu d'altération « C'est bien, quand Marianne va savoir cela, car vous méritez bien que je le lui dise, Léonard. » Je n'y résistais pas, je pris ses mains que je serrai avec l'angoisse que j'allais lui causer à elle-même, et je lui dis d'où je venais. Pauvre femme, pauvre veuve, elle chancela et glissa, plutôt qu'elle ne s'assit, à la place où Marianne ne devait plus revenir. Un cercle pâle entoura ses yeux et les creusa, puis un profond soupir, mais bien triste, fut la seule imprécation qui put sortir de son cœur contre son enfant. « En aller, ah, c'était affreux !»« Pourvu, dit-elle après un long silence, qu'elle arrive à temps, car il n'est pas assez abandonné de Dieu et des saints pour nier sa signature. D'ailleurs, il a toujours eu peur de ses larmes. Dieu aussi peut-être en aura pitié, plus qu'elle n'en a eu. Mais je ne voudrais pas dire une parole pour empêcher Dieu de la protéger, Léonard. Qu'est-ce qu'on est d'ailleurs pour une enfant quand on s'est promise et qu'elle ne dit plus ses prières qu'avec des paroles d'amour ? Elle s'était levée. Elle tournait comme la poule qui bat des ailes et qui ne peut s'envoler. Les fleurs destinées à sa fille parurent attirer son attention. Elle les prit, les roula dans ses mains agitées, puis par un instinct de mère qui me mouilla les yeux, elle fut les attacher, en se haussant sur ses pieds tremblants, à une petite vierge en cire qui avait longtemps protégé Marianne, sa Marianne. J'étouffais. Puis, après une invocation mentale, sans doute, que son action révélait, plus que ses lèvres, elle fit la courageuse, se livra comme une femme, tout en Dieu qu'elle était, aux travaux du matin, dont elle ne devait rompre l'habitude que pour mourir. Car elles sont comme cela, nos femmes du Nord. Elle rangea la table, l'essuya, comme si ce n'était pas fait de la veille. Elle posa 2 tasses blanches par distraction, comme tous les jours. Cette vue arracha un nouveau soupir incisif, déchirant, du fond de son cœur navré, et elle me regarda d'un air à me rejeter Marianne tout entière dans l'âme, si j'avais pu l'oublier. Puis, d'une voix assez calme, qui renfermait une prière pleine de puissance, elle me dit en avançant devant moi cette belle tasse de trop. « Déjeunez avec moi, Léonard. Je tâchais d'avaler le lait que la pauvre mère n'avait pas acheté pour moi. Quand nous eûmes pris en silence ce repas, l'un des plus amers dont je me rappelle le goût, elle dit « Que la volonté de Dieu soit faite, Léonard. Mais si j'avais eu à choisir, Marianne n'aurait jamais eu que vous pour mari. C'est bien dommage, Léonard, que vous n'ayez pas eu d'amitié de mariage pour elle. C'est pourtant une bien bonne fille, malgré... Et vous aussi, un digne garçon, Léonard. Vous auriez été bien heureux ensemble. » Ce ne fut que là qu'elle fondit en pleurs. Pour moi, j'étais si pâle, quand elle me regarda, qu'elle ouvrit elle-même brusquement la porte et me fit signe avec la main de la quitter. Elle eut encore le courage de monter chez sa fille, d'ouvrir les fenêtres, comme quand quelqu'un est mort la veille et disparu. Elle trouva tout dans un ordre admirable, me dit-elle, avec une sorte d'orgueil maternel, mais ses yeux étaient bien rouges.